L'Institut des droits de l'homme relevant de l'Académie des sciences sociales de la République populaire démocratique de Corée a publié le 17 juin le Livre blanc à l'occasion du 20 juin, Journée mondiale des réfugiés. Le Livre blanc note entre autres « À présent, des dizaines de mille réfugiés quittent la ville natale et la patrie, et cela montre nettement que les États-Unis et leurs forces suivistes ont causé cette catastrophe, dont la source réside à la politique extérieure réactionnaire des États-Unis et de l'Occident. » Mais ces derniers continuent de fouler aux pieds sans pitié les droits de ces misérables pour ainsi accumuler de plus en plus leurs crimes contre les droits de l'homme. Les États-Unis et les pays occidentaux qui font tomber les problèmes des réfugiés dont le pire est un, tout en allant contre le courant de l'époque attaché aux droits de l'homme, ne doivent pas fuir les responsabilités en la matière et doivent être punis au Tribunal international des droits de l'homme.